dans ma tête, y'a comme un brouillard sans pareil. À chaque réveil, c'est amer, tu vois comme un nuage de poussière. Putain, je peux rien y faire sans en avoir l'air. Tu reculeras en arrière, alors dis-toi, putain, à l'enfer. Tu reculeras en arrière, alors dis-toi, putain, à l'enfer. Tu retourneras même en arrière, comme un être branché à l'envers. Et puis après tout c'est pareil, je sais, je sais, je sais. Dans le vide et ma misère, y'a comme un vertige incendiaire. À voir tous ces visages en colère, j'ai bien compris le message dans l'air. Putain, je peux rien y faire sans en avoir l'air. Tu reculeras en arrière, alors dis-toi, putain, à l'enfer. Tu reculeras en arrière, alors dis-toi, putain, à l'enfer. Je sais, je sais. Tu retourneras même en arrière, comme un épanché à l'envers. Et puis après tout c'est pareil. Je sais, je sais, je sais. En colère.